ciel mal fini qu'à plonger. Où est qu'on s'abelle, mi temps bleu y tomber. Chercher la vie, après car y monter. Mais prends place lui, où tu les quitter. Tu les quittes moi. Dis oiseaux qu'a volé, quitter nichli. Tous les jours faut y manger. Ça c'est la vie. Enfant boy y aller. Pour revenir, bah ich les picoré. En bas la pluie. Où tu les quittes moi. Would you like it to work?